meuf dans mon hélico. T'as vu ça? En capella, trop je fais que des dégâts. En prison frère, nous on mange pas, on nous donne de la mort au rat. Dans ce monde, tu choisis l'argent ou le respect. Les putes dans les clips à quatre pattes, ils disent tout ce que t'as fait. Dans ce monde, t'as la richesse et la pauvreté. Ma parole, ils sont tous fous, ils courent tous derrière les billets. J'ai signé en indé, tous les majeurs veulent me signer. Je m'en bats les couilles, je suis numéro un des rappeurs français. De tenir de ses terres, même sous stress, j'allais au charbon, abonné à la souffrance, je voulais fêter le million. R-O-T-T-C-H-I-L des fabriques de pur sang. On vient d'être honnête, tous ces MC en carton. Fuck la réinsertion, l'État et sa discrimination. La gauche va balayer la droite, on va fumer de la Hollande à l'aise. Touché par la richesse, j'ai peur du Nord pour le Sud. B-B-B-H, limousine, caviar et cristal. De palace en palace, combien baisse les yeux devant ma ganache. J'ai le faciès de Capone, pour évaluer ma carrière faudrait la passer au carbone. 14, unique, jusque dans mes empreintes. Je ne suis qu'une œuvre d'art parmi des milliards. Jean A me chatouille les phalanges. Pas besoin d'ange gardien, mes comptes me vont si bien. Mes comptes me vont si bien. ATM, ATM. J'débarque dans le game, à ramener le nerf de pierre, truand de la galère. Sans problème, sans souci.